Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, premier paragraphe, deuxième section, les dérèglements du cœur. Le démon et la femme ont été ensemble la première cause de la ruine du genre humain. Le démon avec toute sa ruse n'espérait pas triompher de l'homme, s'il n'avait eu dans la femme une aide puissante pour l'exécution de ses desseins, il s'en servit adroitement, et l'homme fut vaincu. Instruit par cette trop funeste expérience, notre ennemi continua à se servir d'un moyen si efficace pour entraîner tous les hommes à leur perte, s'il était possible. La sagesse infinie de Dieu a voulu nous munir d'un remède contre les embûches de l'enfer, en donnant au monde une femme, qui fut pour nous un principe de vie, à peu près comme tant d'autres sont un principe de mort. Il voulut que la tête du dragon infernal fût foulée aux pieds par ce sexe même, auquel il avait tendu ses pièges avec tant de succès, et dont il s'était servi de plus pour surprendre l'homme au dépourvu. Cette femme est Marie, vous le savez, de son pied victorieux, elle a écrasé la tête du démon, et elle ne songe qu'à préserver ses serviteurs des pièges qui leur sont tendus aussi bien par la femme que par le démon. Elle parle sans cesse au cœur de ses enfants, pour les prémunir contre l'un et l'autre. Écoutons ces paroles qui sont les paroles de la divine sagesse. Mon fils, soyez attentif à la sagesse que je vous enseigne, Proverbe 5, 1, prêtez l'oreille à la prudence de mes discours. Ne vous laissez point prendre aux artifices de la femme, à ses caresses trompeuses et à ses flatteries, les lèvres de la prostituée sont comme le rayon, d'où coule le miel, et ses paroles sont plus douces et plus suaves que l'huile, qui s'insinue doucement et sans bruit. Mais la fin où elle conduit est amère comme l'absinthe, aiguë et perçante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent dans la mort et ses pas s'enfoncent jusqu'aux enfers. Ils ne suivent point le sentier de la vie, ses démarches sont vagabondes et impénétrables. Maintenant donc, ô mon fils, écoutez-moi, et ne vous détournez point des paroles de ma bouche, éloignez d'elle vos pas, et n'approchez point de la porte de sa maison. Ne prostituez point votre honneur à des étrangers, ni vos années à des personnes cruelles, de peur que, vous ne soupiriez dans les derniers jours de votre vie, quand vos forces seront consumées, et que vous ne disiez alors, mais trop tard. Pourquoi ai-je détesté les sages instructions? Pourquoi mon cœur ne s'est-il pas rendu aux justes remontrances qu'on m'a faites? Pourquoi n'ai-je point écouté la voix de ceux qui m'enseignaient, ni prêté l'oreille à mes maîtres? J'ai été presque plongé dans toutes sortes de maux. Celui qui n'aura pas reçu mes conseils mourra, et il sera séduit par l'excès de sa folie. Mon fils, gardez mes paroles, Proverbe 1, 7, et déposez mes préceptes dans votre cœur. Observez, mon fils, mes commandements et vous vivrez. Dites à la sagesse, vous êtes ma sœur, et appelez la prudence votre amie, afin qu'ainsi elle vous défende de la femme étrangère, qui adoucit ses paroles. Elle se place à la fenêtre pour dresser des embûches aux jeunes gens innocents et simples. Elle est inquiète et ne peut demeurer un instant renfermée dans sa maison. Tantôt elle se promène au dehors, tantôt elle se tient dans les places publiques, tantôt au coin d'une rue, afin de tendre ses pièges. Ainsi elle réussit à attirer le simple jeune homme, à force de paroles elle le prend au filet, et elle l'entraîne par ses caresses, et l'imprudent la suit, comme un bœuf qu'on mène à l'immolation, sans comprendre qu'il va être chargé de chaînes. Il est comme un oiseau qui se précipite dans le filet, ne sachant pas qu'il y va du salut de son âme. Écoutez-moi donc maintenant, mon fils, que votre esprit ne se laisse point entraîner dans les voies de la femme. Ne vous laissez point égarer dans ses sentiers trompeurs, car elle en a blessé et renversé plusieurs, elle a fait perdre la vie au plus fort. Sa maison est le chemin de l'enfer, qui pénètre jusque dans la profondeur de la mort. La sagesse nous donne encore beaucoup d'autres conseils semblables, et il semble que Marie les répète à toute heure à ses enfants, tantôt en leur disant de s'abstenir de regarder la femme inquiète, tantôt de ne pas faire attention à sa vaine beauté, parce qu'elle a été cause que beaucoup se sont perdus, et que leurs passions se sont enflammées comme des foyers. Tantôt elle avertit de se garder même de s'asseoir près de la femme d'autrui, tels sont les avis et autres semblables qu'elle donne, avis salutaires, nécessaires même, surtout dans ce siècle de corruption, où l'effronterie et l'impudence semblent être montées à leur comble. Oh que de jeunes gens, s'ils avaient prêté l'oreille à tant à ces sages conseils, ne seraient pas maintenant réduits à gémir dans un abîme de maux, ruinés tout à fait non moins du côté du corps que du côté de l'âme. Qu'ils pleurent les malheureux, mais à quoi bon pleurer? S'ils ne détestent leurs péchés, leurs gémissements ne serviront de rien, au contraire, d'autres gémissements, d'autres douleurs qui n'auront point de fin, les attendent dans une autre vie, et les maux qu'ils endurent ici-bas ne sont qu'un faible essai de ceux qu'ils souffriront alors. Que celui qui n'est pas encore tombé dans ce sommeil de mort, ouvre les yeux à temps, qu'il écoute les paroles que Marie fait entendre à son cœur. Qu'il se garde de tomber dans les filets, parce qu'une fois tombé, il lui sera bien difficile de s'en débarrasser, et celui qui malheureusement s'y trouve déjà pris, qu'il ne désespère point, mais qu'il fasse tous ses efforts pour s'en dégager. Qu'il invoque la protection de Marie, et elle ne dédaignera pas d'abaisser ses regards très purs sur sa couche souillée par l'impureté, si elle le voit sincèrement résolu de sortir de son triste état. Qu'il tâche d'étouffer le feu de l'amour impur par les flammes du plus pur amour. Qu'ils éteignent l'amour sensuel par un amour filial et chaste pour la plus pure des vierges. Oh que son amour sera efficace pour bannir de leur cœur tout fol amour. Qu'ils en fassent l'épreuve, et ils le sauront par expérience. Markandanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.